Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhara fa sawfa ya'lamun. Ceux qui associent à Allah une autre divinité. Mais ils seront bientôt. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Et nous savons, certes, que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort.